L'actualité à Nancy et ailleurs. Cœur de Maine revient pour une troisième édition. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Morgan. Bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui aiment bien le trail, mais aussi la rando, parce qu'il y a aussi deux circuits, est-ce que vous pouvez nous présenter, Morgan, le principe de Cœur de Maine? Oui, alors le principe vient de l'idée d'une grande forêt entourée par six communes. Chaque année, on change de lieu. On propose une commune nouvelle qui donnera le top départ et le top arrivée, finalement. Et donc, ces communes ont l'honneur à chaque année d'avoir une manifestation sportive, chronométrée pour les trails et loisirs pour les randos. Un comité technique est là pour chapeauter toute la sécurité, les dossiers administratifs, l'autorisation. Et sur 6 ans, on va dire 6 communes, 6 ans. Voilà. Voilà. Et cette année, donc, c'est Bulligny, c'est ça? Bulligny, le 5 mai prochain. Un trail avec plusieurs distances pour s'adapter un peu au niveau de chacun. La plus petite distance, c'est 9,5 km, je crois, et 28,5 pour la plus grande, c'est ça? Voilà, un 9,5, un 14,5, un 28,5 en trail. Et puis, en rando, nous aurons un 9,5 et un 14,5. On n'a pas vocation à travailler en rando spécifiquement, mais en fait, ça ouvre les possibles et surtout l'accessibilité, puisque c'est un domaine forestier fort agréable, très diversifié et très riche en biodiversité, qui fait que nous offre un espace ludique, mais aussi arboré, ombragé. Puis ça permet peut-être à des familles où il y en a un qui aime bien plutôt le trail, eh bien aux autres de se balader plus tranquillement sur les chemins de randonnée. Voilà, avec moins de soucis, c'est plus côté famille, voilà, pour les randonnées. Et surtout pour le trail, il faut des documents de santé, hein, pour pratiquer le sport chronométré, donc les épreuves sportives. Donc voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Donc c'est la troisième édition. Et comment se sont passées les deux premières? Les deux premières sont très bien passées. Hein. On avait eu 250 trailers sur Blénod-lès-Toul à l'époque, et 180 avec 90 randonneurs l'année dernière sur Allan. Donc là, on attend que ça monte un peu pour cette troisième édition. Mais voilà, ça donne toujours un esprit très sympathique pour le village, pour les habitants. Tout se passe bien dans les règles et que ça profite à tous, quoi. Puis ça motive les organisateurs aussi de voir que ça fonctionne. Le public compte beaucoup, puisqu'en effet, il y a un comité technique à chaque édition d'une quinzaine de personnes qui habitent d'ailleurs les villages autour du massif, qui sont passionnés pour tous les niveaux de l'organisation. Et puis, nous avons surtout une quarantaine de signaleurs qui sont obligatoires pour toute organisation de ce type, pour paramétrer tous les points de croisement et de sécurité inévitables. Si on n'avait pas les bénévoles signaleurs en plus, aujourd'hui, il est vrai que les épreuves du trail rando ne pourraient pas avoir lieu. Pour le trail, comment ça se passe pour s'inscrire? Eh bien, vous allez sur le site Wanatime, hein, qui est une base d'inscription, hein, un site spécialisé, et donc tout est demandé en ligne. Et puis, c'est aussi une manière d'accélérer, finalement. Il n'y avait plus que le dossard retiré sur place, et puis le jour J, et comme ça, tout est dans l'ordre. Et pour la marche, on peut s'inscrire sur place? Oui, la marche, ça sera sur place. Donc là, par contre, on sera sur des horaires 9h et 9h15 pour les deux départs, tandis que le 28-5 commencera à 8h30. Et le 14-5 trail, 9h30, pour terminer à 10h pour le 9,5 km. Au départ de Bulligny, et l'arrivée se fait aussi à Bulligny? Exactement, c'est un village par an qui donne justement le départ, mais qui a l'honneur aussi pour l'arrivée. Il y a les ravitaux qui seront prévus, hein, 2 ravitaux pour le 28-5, et puis nous en avions aussi pour le 14-5 rando. Le 10, il n'y en a pas par contre, et il y a ce qu'il faut par rapport à la réglementation notamment. Et puis il y aura ravito à l'arrivée, et la MJC de Bulligny pourra aussi proposer des sandwichs, frites, des choses comme ça, des boissons sur place à l'arrivée. Une belle journée dans la nature, à une découverte du cœur de Maine. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour le dimanche 5 mai? Alors le beau temps bien sûr, ouais. Mais du monde, il ne faut pas hésiter à venir. Et pourquoi pas pour les années prochaines aussi, on pourrait peut-être penser à des courses plus spécifiques, peut-être un 5 km, peut-être une course aussi longue. Donc voilà, différents projets aussi pour les éditions prochaines qui restent sur Vannes-Neuchâtel, Uruc, Gigomé. Voilà, il reste encore 3 communes les années prochaines. Ouais. Plein d'idées, plein de projets. Et pour suivre l'actualité, on peut se rendre sur la page Facebook et Insta. Alors Facebook, Insta, donc le site Trailleur de Maine, hein, avec toutes les la réglementation et les actualités. On a 4 sites à visiter, 2 réseaux sociaux, voilà. Il n'y a pas de souci, tout y est, partagé, et puis motiver la famille, les coureurs-coureuses de votre entourage. 3e édition du Trail Cœur de Maine, c'est le dimanche 5 mai. Merci Morgan.